je voudrais que tu fasses comme si je n'existais pas. Je me fous de savoir comment tu vas. En vérité, je me fous même de savoir si tu es vivante ou morte. Tout ça n'est pas important. Le plus important, c'est de savoir si il nous reste du vin blanc. Sinon, je meurs. De toute façon, on se retrouve. En enfer, mais c'est moi qui serai Lucifer. Et si Dieu est de nous, s'il vous plaît, aidez-moi. Je bien trop peur d'être décapité. J'ai bien trop peur, bien trop peur. Je ne veux plus savoir si je suis vivant. Je veux juste savoir si il reste du pain au lard. C'est une drôle d'histoire, ne trouvez-vous pas donc que voilà. C'est une drôle d'histoire, ne trouvez-vous donc que voilà. Ainsi va la vie que l'on nous propose ici. En fait, trouvez-vous pas donc ma vie ressemble étrangement